Mesdames, messieurs, je voudrais vous laisser en compagnie de la star d'aujourd'hui, tout en remerciant l'organisation avec Monsieur Sipé Lumande, Sipi Lumande, sans oublier le manager Maki Malaouka et notre frère, j'allais dire, Mabuse Eketeni et toute l'équipe qui accompagne Danos Kanta Niboma. Je n'ai pas oublié Jamaïta Inanga, ainsi le secrétaire général du Congo, Sebene, qui est là, Tokotuna Kapesa. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Notre madame Média, voici maman Nounou Média Nounou Kanga, qui est là. Elle a travaillé fort pour l'équipe. Merci beaucoup. Je salue tout le monde qui travaille dans l'ombre, sans oublier les artistes et musiciens qui sont là, dans la salle. Je fais allusion à Toussaint Vince Ndianga, Moramour, sans oublier la coste Didier Muketunga qui est là, et Maître Nono qui est là, le grand journaliste Freddy Moulongo, mes remerciements, soyez honorés, car on a besoin toujours de la presse. Merci beaucoup. Évidemment, avec la permission et l'autorisation de mon épouse, chérie F, maman Fanny Bandoubola, je vais laisser la place, les micros à lui-même. Danos Kanta Niboma, Moine Dido, avec un tube des années 80, doublé. Leticia. Mama na mama. Merci à Zinga, la trompe. Papa Augustin, merci beaucoup. La trompe, trompe. Merci. Merci à José. Merci. Merci à vous tous. Merci à l'équipe technique. Merci à la sécurité. Merci à toute l'équipe des Cabarets Sauvages. Merci à vous, public averti, amateurs et amoureux de la rumba africaine. Merci. Merci. Et bientôt sur le marché, les nouveaux albums de Danus Kantani Bomba à consommer sans modération. Demandez les nouveaux albums de Niboma. Merci, merci, merci à Jean-Sim ici à la troisième. Ouais, les Kiyosate. Merci.